Très chers auditeurs, fidèles à votre hebdomadaire Continuo. Ça peut vous paraître un peu surprenant d'entendre une voix différente ce matin. C'est que votre animateur, Denis Grenier, nous a quittés le 8 juin dernier et nous laisse dans une grande tristesse. Donc ce matin, Peggy Bélanger au micro en hommage à Denis Grenier et mon collègue Claude Bernacchi sera avec moi pour co-animer l'émission et puis échanger des souvenirs et histoires. Bonjour Peggy. Bonjour Claude. Alors, ça me fait grandement plaisir d'être avec toi parce que Denis, pour beaucoup d'auditeurs qui nous suivent, ça le savent, c'est un grand ami. Alors, je suis aussi vraiment très touché de tout ce qu'il a pu apporter. Alors, on va lui rendre hommage. Et bon, j'ai choisi un peu comme fil conducteur, puisque Denis est parti en voyage, un voyage très célèbre qui nous vient de Monsieur Schubert. Excuse Denis, je sais que c'est pas de la musique ancienne, mais le chanteur, qui est aussi compositeur, qui s'appelle Daniel Beal, lui, il a fait un peu comme toi. Il a imagé la partition de piano avec un piano, c'est-à-dire avec un violon et un violoncelle. Alors, toi, tu mettais des textes sur des descriptions d'images sur la musique. Alors, c'est le voyage d'hiver de Schubert qui sera un peu notre compagnon dans ces 3 heures qui viennent. Et puis, on pourra l'illustrer aussi avec plein de souvenirs, d'anecdotes. Et puis des suggestions d'auditeurs que notre cher Peggy a colligé et puis a mis tout dans son beau texte. Alors moi j'ai mon bordel de mon côté et puis alors on va faire confiance à Schubert et on y va avec le premier versant, Gute Nacht. Fremd seh ich wieder aus, der Mai war mir gewogen mit manchem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von Ehe. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Nun ist die Welt so trübe, der Weg gehüllt in Schnee. Thank you. C'est un superbe choix, Claude. Alors, pour ma part, comme Claude l'annonçait plus tôt, il y a beaucoup de gens sur la page de Continuo, sur la page Facebook de Denis, qui ont exprimé des sympathies ou ont écrit un mot simplement, justement, à l'endroit de Denis. Et j'ai contacté ces gens et puis ils ont accepté que je vous partage aujourd'hui en onde ce qu'ils avaient publié. Alors, je vais commencer avec un message de Michele Cinquina. Alors, ceux qui connaissent bien Denis, en fait, qui écoutaient son émission, ont sûrement compris que Denis adorait la langue italienne. Alors, il y avait beaucoup, en fait, d'amis italiens dans son groupe. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le message en italien. Denis parlait bien italien et il aimait le rythme de cette langue, le son, la cadence. Alors, laissez-vous bercer, même si vous ne comprenez pas tout, par la cadence qu'il adorait tant dans cette langue. Alors, un message de Michele Cinquina, lutiste. Adieu, mon ami Denis. La notizia della tua morte mi addolora nel profondo. Eri una persona estremamente sensibile, hai compreso i sentimenti nascosti dentro le mie notti, trasmettendole oltre oceano. Sapevi che puntualmente ti ascoltavo da lontano e sorrido ancora al ricordo del tuo saluto in italiano. Amavi molto questo brano registrato insieme a Francesca Cassinari e per te, caro Denis, riposa in pace. Alors, ce que Michele nous dit, en fait, il mentionne que Denis était une personne très très sensible et que Michele souriait toujours à la salutation en italien que Denis lui faisait. Alors, il aimerait dédier à Denis trois pièces de son album « L'abbraccio fra il nord e il mezzogiorno » paru en 2019. Et il y a sur ce disque, en fait, vous entendrez Francesca Casinari, la soprano, et Michele Cinquina, le luthiste. Vous entendrez « Je ne me puis tenir »,« Mille regrets » et « Concunderunt me ». Alors, une bonne écoute à vous. Ooh. Thank you. Alors, poursuivons notre émission hommage ce matin à Denis Grenier. Rappelons-le qu'il nous a quittés cette semaine. Peggy Bélanger au micro, accompagnée de Claude Bernacchi. Je voulais te féliciter, chère Peggy, pour ton accent italien. C'est vrai que tu as baigné dedans pendant un bout. Alors, c'est vrai que la langue italienne est tellement musicale, c'est pas pour rien qu'ils ont pris le dessus pendant des siècles et qu'ils ont vraiment amené l'opéra et cette langue magnifique qui est tellement musicale par elle-même. Alors, on va continuer notre voyage. Donc, on est toujours avec ce fil, donc le voyageur de Schubert. Il représente, à mon avis, assez bien toutes les réflexions que Denis pouvait... parce que ce Denis, il s'en posait des questions. Et il y avait aussi beaucoup d'aspirations envers la vie. Alors, un peu comme le personnage qui fait ce voyage vers... On fera les trois prochaines pièces. Alors, je vous en reparle après vous les avoir fait écouter. Sie pfiff den armen Flüchtling aus. Er hätte es eher bemerken sollen, des Hauses aufgestecktes Schild, so hätte er niemals suchen wollen, im Haus ein treues Frauenbild. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Der Wind spielt drinnen mit den Herzen wie auf dem Dach, nur nicht so laut. Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Was fragen Sie nach meinen Schmerzen? Ihr Kind ist eine reiche Braut. Thank you. nach ihrer dritte Spur, wo sie an meinem Arme durchsticht die grüne Flur. Ich such im Schnee vergebens nach ihrer dritte Spur, wo sie an meinem Arme durchsticht die grüne Flur. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen. Bis ich die Erde sehe. Ich will den Boden küssen, durchdringen Eis und Schnee mit meinen heißen Tränen. Bis ich die Erde sehe. Wo find ich eine Blüte? Wo find ich grünes Gras? Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Die Blumen sind erstorben, der Rasen sieht so blass. Wo find ich eine Blüte? Wo find ich grünes Gras? Sollten kein Angedenken ich nehmen mit von hier, wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann von mir? Sollten kein Angedenken ich nehmen mit von hier, wenn meine Schmerzen schweigen, wer sagt mir dann? Herz ist wie erstorben, kalt starrt ihr Bild darin, schwitzt jedes Herz mir wieder, fließt auch ihr Bild dahin. Mein Herz ist wie erstorben, kalt starrt ihr Bild darin, schwitzt jedes Herz mir wieder, fließt auch ihr Bild dahin. Alors, c'était encore ces trois extraits de donc les deuxième, troisième et quatrième stations. Donc, on a entendu dit Wetterfahn, donc la girouette, les larmes gelées, et la dernière, c'était l'engourdissement. Alors, ma chère Peggy, je te passe je le témoin. Alors, ici, un hommage de Véronique Mousson-Gonneau sur la page Facebook, d'ailleurs, que je vous invite à aller consulter, parce que depuis ce matin, il y a des messages qui ont été ajoutés, des vidéos, des photos, c'est vraiment agréable à aller justement voir ça, zioter ça un peu. Alors, le message de Véronique nous dit d'emblée, c'est très triste. Denis Grenier m'avait fait confiance et m'avait soutenu sans même me connaître, juste à travers un disque. Pendant plusieurs mois et même années, la musique perd un grand soutien libre et noble. Toutes mes condoléances à sa famille. Message de la chanteuse Véronique Mousson-Gonneau. Nous allons poursuivre avec un message d'un collaborateur de Continuo avec qui Denis travaillait, Valerio Zanolli. Alors, il nous écrit ce mot. Arrivederci, cher Denis. Merci pour toute la musique que tu m'as fait découvrir et pour la confiance que tu m'as accordée et en m'accueillant à Continuo. Une expérience inoubliable. Merci du fond du cœur. Et merci Valerio pour ce mot et merci pour ta collaboration. Valerio aimerait faire un hommage musical. Nous allons écouter de sa part, pour nous tous et pour Denis, Il ballo dell'ingrate de Monteverdi, Claudio Monteverdi. Valerio a choisi une version des Arts florissants sous la direction de William Christie. Alors, une bonne écoute. Thank you. Alors, Peggy Bélanger au micro, cette semaine, en préparant cette émission spéciale hommage pour Denis, j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, de discuter avec beaucoup de gens de tout azimut, et je me suis rendu compte qu'une chose les reliait. Tous ces gens sont empreints d'une grande gentillesse et d'une grande humanité. On a ici Maxime, allemand-langlois, qui voulait laisser un petit mot à Denis. Simplement, c'était un homme avec un cœur en or, charmant et très humain. Bon repos, Monsieur Grenier. Je laisse le micro à mon collègue Claude Bernier. Vous savez, Denis, derrière toute cette pandémie qui nous est tombée dessus l'an passé, donc de venir à CKRL à chaque semaine, ce n'était plus possible. Alors, il fallait produire les émissions et puis envoyer tout ça de la maison. Alors, c'est un peu vers moi que Denis s'est tourné pour apprendre à manipuler tous ces fichiers audio, à faire du montage, à faire avoir un micro, être capable de faire ses enregistrements, et puis alors l'équiper. Alors ça a donné l'occasion d'avoir de nombreux téléphones, et puis même des fois à une heure tardive, j'ai tout perdu, qu'est-ce que je fais? Alors voilà. Alors, mais en même temps aussi, donc, je faisais beaucoup de conversions sonores pour alimenter ces montages et puis répondre à toutes ces questions. Mais dans tous ces échanges-là, les goûts musicaux de Denis, que je connaissais déjà bien, mais une préférence particulière pour un compositeur anglais qui s'appelle William Laws, dont il aimait particulièrement cet univers sonore-là, cette sobriété toute anglaise, saxonne. Alors, je vais vous faire jouer une suite, donc la suite numéro 8 avec le Royal Consort 7, donc une aire allemande, deux courantes et pour terminer une sarabande. Thank you. poursuivons en hommage avec José April, professeur d'orgue et de clavecin au Conservatoire de Rimouski. Alors, José April nous écrit « Cher Denis, il y a des êtres qu'on ne voudrait jamais voir partir, des perles d'humanité qui nous rapprochent de la bonté et de la beauté. C'est avec une infinie tristesse que l'on devra vivre ton départ. Repose en paix. » Et Madame April veut lui dédier un prélude et fugue en mi bémol majeur de Bach, bien sûr, le BWV 552. Alors, j'ai choisi une version de Robin Abdoulin, parue en 2020. Alors, bonne écoute. Thank you. bonjour et bon retour à votre hebdomadaire Continuo. Alors, Peggy Bélanger au micro ce matin avec vous, un peu surprenant. On va rendre hommage humblement à notre pétillant et charmant Denis Grenier, qui nous a quittés cette semaine, avec moi, Claude Bernatchez, ce matin. Nous avons, en fait, j'ai récolté quelques hommages d'auditeurs ici, Madame Janet McMahon, et je vous en fais part à l'instant. Quel plaisir et quel privilège d'avoir écouté la musique ancienne et baroque avec Denis Grenier chez Continuo. Il nous a exposé à tant d'artistes, compositeurs et maisons de disques. Il a partagé son expertise, sa passion et même certains de ses connaissances qui ont pris l'antenne avec lui. Sur le chat que Denis a animé, on a pu échanger nos points de vue et nos émotions. Émotion, c'était le mot-clé pour Denis vis-à-vis de la musique. J'ai écouté Continuo sur deux continents pendant plusieurs années. Dimanche matin ne sera plus jamais pareil sans Denis. Mes condoléances à tous ses proches avec qui je partage la tristesse. Message de Jeannette McMahon. Alors, nous sommes présents sur le chat ce matin de Continuo. Si vous voulez venir échanger, c'est toujours possible. Et aussi sur la page Facebook. Bravo, Peggy. Merci. Moi, je n'étais pas capable de faire ça, dialoguer avec le chat, gérer l'ordinateur. Puis, c'est très touchant d'entendre tous ces témoignages parce que des fois, le téléphone sonnait pour apprécier une pièce, etc. De savoir que, et oui, il y a des gens qui nous écoutent. Parce que moi, j'ai un peu de problème à parler à un micro puis de ne pas voir personne. Je suis vraiment contente de te voir et d'avoir les yeux comme ça. Peggy, elle est très attentionnée. Elle-même, je vous dis, elle veut pas, là, mais elle a pris son efface pour sa souris. Ouais, alors, c'est pour montrer à quel point elle est vraiment entièrement dévouée. Alors, nous, on va continuer notre voyage avec le Winterreise, bon, disons Summerreise peut-être. Alors, trois stations qui sont le Tilleul, le Torrent et sur le fleuve. Donc, 5, 6 et 7 de notre voyage de 24 destinations. Die Gesicht. Der Hut flog mir vom Kopf. Sprossen wollen, weht daher ein lauer Wind, und das Eis zerspringt in Schollen, und der weiche Schnee zerrinnt. Der weiche Schnee zerrinnt. Schnee. Stadt durchziehen, muntre Straßen ein und aus. Fühlst du meine Tränen glühen? Da ist meiner Liebsten Haus. Poursuivons en hommage à notre ami Denis Grenier. De la part de fidèles auditeurs Guy et Francine, nous sommes en deuil d'un ami totalement chaviré par ce décès soudain. Cher Denis, que nous aimions tant, nous espérons que tu n'as pas trop souffert. De Chacon à Continuo, nous t'avons reçu au salon tous les dimanches. Nous t'attendions, nous t'écoutions avec bonheur. Tu étais presque de la famille. Nous sommes si heureux de t'avoir enfin retrouvé à CKRL, à de nouveaux concerts ici à Québec, d'avoir échangé avec toi. Nous avons eu le privilège d'apprécier l'ampleur de ta sensibilité fine et rieuse, ta curiosité de l'autre et de l'ailleurs. Grazie mille, et Denis, bon retour à toi qui a tant donné. Bon repos à toi qui a tant donné. Et si vous allez sur la page Facebook CKRL, Continuo Denis Grenier, nous voyons une photo qui a été prise par ses fidèles auditeurs Guy et Francine, Guy Gauthier et Francine. Poursuivons maintenant avec un hommage de Jean-Marie Poirier, luthiste. Alors, Jean-Marie nous dit « Grande tristesse ce matin à l'annonce du décès hier, 8 juin, de Denis Grenier, qui m'avait fait l'honneur de m'inviter à collaborer à son émission en ligne sur la musique ancienne, Continuo, depuis Québec. J'avais initialement rencontré Denis lors du Festival international de musique baroque de la Mecque au Nouveau-Brunswick, il y a plus de 20 ans, lors d'un concert avec notre ensemble consacré aux airs d'Arthur au Cousteau. Quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'il me contacta il y a un peu plus d'un an pour me demander de lui envoyer des disques de notre travail. Nous avions alors communiqué par Skype et ce fut le début d'une collaboration très stimulante pour moi. Je lui suis reconnaissant de la confiance qu'il m'a fait et très abattu devant le vide que sa disparition va laisser. Au revoir et merci pour tout, Denis, pour votre grande culture et insatiable curiosité. Votre belle humanité, votre humour, votre amour de la langue italienne que vous aviez tant de plaisir à utiliser. Toutes mes pensées vous accompagnent et mes sincères condoléances à ses proches. Monsieur Jean-Marie Poirier, en fait, nous fait ici hommage, en fait, voudrait faire un hommage musical de la suite en ré mineur, le tombeau de Mézengot de Vieux Gautier, une version d'Hopkinson Smith. Et comme j'adore Hopkinson Smith, je vais faire du pouce sur ce disque et j'ajouterai moi-même La pleureuse qui extrait la suite en la majeure. Thank you. Claude, nous sommes deux au micro aujourd'hui et on a connu tous les deux, Denis. Oui, et je te lancerai la balle en premier parce que, effectivement, Denis, je l'avoue, a été dans nos deux carrières une personne qui a vraiment eu une influence très marquée, enfin pour moi, parce que ça fait déjà... Je pense que j'ai connu Denis il y a plus de 20 ans, mais avec Anonymous, et puis avec... il m'avait approché pour... Daniel Turp avait lancé une idée qui était le mouvement Radio-Québec. D'accord. Et puis, donc, Denis avait pensé à moi pour faire partie du conseil d'administration. Donc, on s'est lancé dans cette aventure-là et ça a été vraiment le début de notre amitié réelle, puis la complicité avec la musique et puis toute la répartie. Donc, on avait deux tempéraments qui se complétaient, ou en tout cas, on s'acceptait très, très bien naturellement. Et puis, alors, après ça, ben, donc c'était aussi une période assez particulière pour l'ensemble Anonymous. Il fallait tourner une page puis en ouvrir une autre. Et puis c'est là que j'ai fait appel à Irène Brisson, qui était sur notre conseil d'administration, qui était notre professeure en musicologie au conservatoire. Oui, on a eu tous les deux. Alors moi, je l'ai connue, elle était toute jeune, elle arrivait. Et puis donc je suis arrivé au conservatoire en 73. Alors j'arrivais de mon Rimouski, et puis de Bas-du-Fleuve. Et puis plus longtemps avant, j'étais dans la Matépédia. Alors j'arrivais à Québec, et puis il y avait cette dame-là qui nous a fait écouter plein de musique. Et puis, quand on a passé, on commence sur l'histoire, le Moyen-Âge et tout, puis je me suis toujours posé la question pourquoi la musique qui a suivi le Moyen-Âge ne me impressionnait pas autant. Alors, j'ai suivi tout le monde, et puis c'est vraiment elle qui m'a allumé sur la musique du Moyen-Âge, et puis j'ai décidé d'en faire un choix par la suite. Mais pour revenir... donc en 2006 qu'on en a repris. Alors elle m'avait donné toute une liste d'étudiants au conservatoire avec lesquels je pourrais penser à travailler. Oui. Et puis il y avait une certaine Peggy Bélanger dans le lot. Alors on s'est rencontrés, puis là on a eu le début de notre aventure, et puis là on a fait un grand bout aussi avec Anonymous, où vous faites plein de concerts. Et puis bon, ça c'est notre dernière collaboration, non la moindre, c'était le jeu de Robin Marion qu'on avait repris pour le Festival Opéra. Et faut dire que Peggy, c'est une vraie bergère. Hein? Ah oui, c'est vrai. Son papa, il a une ferme et puis il élève des moutons. Alors, c'est quand même fantastique pour un directeur artistique d'engager une chanteuse qui est une grande musicienne, mm-hmm. mais qui sait aussi c'est quoi être une bergère. Ouais. Parce que le personnage de Marion, c'est une terre bergère. À terre, hein? Alors, c'était vraiment... Le choix idéal. Remarquable. Puis même avant, il y avait Mélanie... Oui. De Mers qui avait fait aussi, mais avait aussi un rapport avec les moutons. Alors elle aussi était une vraie bergère. Alors je sais pas pourquoi. Sauf alors, la première Marion, c'était Marie-Louise Donald. Elle n'était pas bergère, mais elle était quand même très bonne aussi. Alors c'est pour tout dire. Ouais, Denis a vraiment participé à toute cette lancé là, il nous a aidé sur plein et il a suivi aussi tout le temps. Alors c'est un ami d'une très grande fidélité, puis c'est la perte la plus grande de savoir la fidélité en amitié, c'est quelque chose qu'on connaît pas souvent. Ouais. Mais ça c'est ma pensée parce que je réalise pas encore qu'il est parti de nous, mais de voir que ça, c'est je dirais le seul qui m'avait donné témoigner comme ça à ce niveau-là. Oui. Et puis là, ben, faut comme. Mais. Il me parlait avec beaucoup, beaucoup de. Mon Dieu, de toi, là, quand il me parlait de toi comme ami, comme personne, là, c'était vraiment. Mais à avec toi. Avec beaucoup de chaleur et de. Il t'appréciait énormément, Claude. Mais pour toi, qu'est-ce que ça t'a fait de cette rencontre-là, Denis? Parce que c'est tout un énergumène. Ah, c'est incroyable. Écoute, déjà, c'est très impressionnant, OK? Donc, faut se remettre en tête. Jeune carrière, jeune chanteuse. T'sais, on est jeune, on pense qu'on connaît, mais on ne connaît pas tant. Puis quand on tombe sur quelqu'un comme ça, qui connaît, qui... mais il n'étendait pas sa connaissance pour montrer qu'il connaissait. Il était curieux, point. Puis, quand il faisait des références avec telle œuvre ou tel musicien ou quoi que ce soit, c'était jamais pour flasher, c'était juste par pure passion, c'était incroyable. Puis, pour quelqu'un comme moi, jeune, là, je vous parle de 25, 26 ans, là, on est jeune, c'est impressionnant. OK? Puis, on essaie un peu de faire sa place, on essaie un peu d'avoir l'air intelligent, mais tu sais, finalement, Denis, lui, ce qui l'intéressait, c'était le cœur. Il était centré sur le cœur des gens. Puis, quand il voyait que quelqu'un était beau, ça l'intéressait. C'est la beauté qui l'intéressait. Oui, cette sensibilité-là. Cette sensibilité-là. Dans d'autres, même d'un point de vue intellectuel, mais d'un point de vue très primaire, émotif aussi là, ben exactement. C'était ça qui était... Il était impartial. Il fallait les deux. Puis moi, je l'ai entendu aussi dans des propos qui détestaient certaines approches. Donc, je ne mettrais pas les pays qu'elle allaient avec, là, mais oui. Il y avait des idées très arrêtées sur la sensibilité puis la façon de l'exprimer. Il y avait beaucoup d'admiration. Bon, c'est sûr que l'Italie, c'était un peu... La sensibilité italienne, c'était là où il avait réussi à trouver sa panacée. Là. Oui, oui. Alors voilà, c'est un personnage qui était très authentique, qui avait beaucoup, beaucoup de dehors, qui était positif ou négatif, mais il savait toujours se faire pardonner ses actes. Mais il y avait même des fois... On agissait d'une façon. Une fois, je suis allé chez lui, puis je m'étais assis sur un fauteuil en croisant ma jambe sur le coussin. D'accord. Là, il disait, non, on ne fait pas ça chez moi. Il disait, c'est correct. Oui, puis, mais c'était... c'est comme une valeur un peu ancienne. Puis, mais il tenait, puis bon, chez moi, c'est comme ça. Bon, je respectais. Alors, il se permettait ça, puis ça n'avait aucun problème. Ça aurait pu être un pour qui il se prend, lui. Mais non, ça, Denis, ça venait avec le personnage. Et puis, effectivement. C'est ça. Donc, le fait que ce soit un personnage aussi, puis qu'on aime, mais pour certaines personnes, c'est déroutant, parce que on ne sait pas quoi faire avec ça. T'sais. C'est qui, lui? T'sais. Mais... quand on avait passé ça, on découvrait un pays très, très riche en diversité, ça, cher Denis. Alors, c'est juste pour dire que des fois, les gens qu'on rencontre peuvent avoir une grande influence sur notre vie. Et puis, Denis, c'en était un. Effectivement, vraiment. Puis, c'est dur de s'imaginer qu'il n'y aura plus de discussion. Oui. Moi, c'est ce que je trouve le plus. Moi, je discuterai plus avec. Denis me plaît, puis on parlait pendant une heure en disant des niaiseries. C'est... Puis de parler de n'importe quoi, puis de faire. Là, puis à la fin, mais c'est toujours moi qui l'épuisais. Bon, il a dit. C'est excellent. Il disait, oh, je te raccroche, il faut que j'aille faire autre chose, etc. Mais, ah, oui. Mais souvent, c'est lui qui me rappelait, parce qu'il avait besoin de cette dose d'échange inutile. Mais tu sais, bon, quand même, on parlait de choses, entre autres, là, mais le fait d'avoir la liberté. De faire des parenthèses infinies puis des hiatus absurdes et puis de rire aux éclats. Enfin, donc ça c'est effectivement, ça va me manquer. Oui, oui. Alors, on continue, ma chère? Oui, on y va. On se lance. Alors, je vais peut-être vous faire part d'un message du président du Club musical de Québec, Jean-François Cossette, qui a désiré exprimer un hommage. Ça va comme suit. Monsieur Grenier faisant partie de ce groupe restreint de mélomanes, Monsieur Grenier faisait partie de ce groupe restreint de mélomanes érudits et intransigeants pour qui la musique n'est pas un moyen d'habiter le silence, mais bien de s'en alimenter en dialoguant avec lui. Je présente, au nom du Club musical de Québec, mes plus sincères condoléances à tous ces fidèles auditeurs dont la vie a été enrichie par ces émissions et à qui son immense savoir manqueront ainsi qu'à toute sa famille et principalement à sa complice et amie fidèle dans toutes les tempêtes, Suzanne. Nous perdons un allié dans la confrérie des gens qui, à tout prix, luttent pour conserver la beauté du monde. Oui, c'est beau. C'est vraiment très beau. Merci, Monsieur Cossette, pour votre hommage. Un message de la compositrice Karine Choual. Denis était un poète de par ses textes consacrés au disque Alpha et par son engagement au sein de Continuo. Chaque dimanche, il faisait découvrir un monde de beauté à ses auditeurs. Je disais qu'il travaillait beaucoup pour nous surprendre toujours et jamais nous lasser. Il laisse un très grand vide autour de nous et va nous manquer. Alors, Karine Choual, compositrice, merci beaucoup, Karine. Alors, on va poursuivre avec encore deux pièces de William Laws, donc, que je vous disais tout à l'heure. C'est un compositeur que Denis affectionnait tout particulièrement. Donc, ce sera deux fantaisies, toujours avec le Royal Concert Set, donc un disque qui s'appelle dédié à ce compositeur-là, dont le titre s'appelle Fantasme. Alors, deux fantaisies. Thank you. Alors bonjour, Peggy Bélanger au micro, en compagnie de Claude Bernatchez ce matin. Mission spéciale pour rendre hommage à notre ami Denis Grenier. Un message de Jean-Yves Bernard, qui était collègue animateur avec nous l'été. Oui, on avait partagé plein d'émissions où on faisait ça en tandem. Fin de la première année en 2017, c'est ça, c'est Jean-Yves et moi, on se coordonnait là, pour s'occuper de toute la saison estivale. Oui. Donc, ça allait du début juin jusqu'à la fin septembre. Puis tu vois, c'est ça, ça c'est le moment que Denis prenait, hein, une petite vacance. Mais... il était en Italie, il voyageait. Mais c'était même pas une vraie vacance, Claude. Il écoutait l'émission quand même. Oui, oui, puis il était nerveux, il me faisait plein de commentaires. Puis là, non, faut, tu peux pas faire ça, là, faut tu n'as pas prononcé de la bonne façon. C'est ça, il était online avec nous. Mais tu sais, on voyait que laisser la chose. Mais après ça, il était beaucoup plus détendu une fois qu'il avait lâché. Mais les premières heures, là, il me talonnait. Il était là. Je voudrais que des fois, c'était un peu... Mais enfin, on se réconciliait tout le temps. On se réconciliait tout le temps. Donc, Jean-Yves, en fait, puis moi, c'est à l'été 2019 que j'ai travaillé de pair avec Jean-Yves et donc c'est ça, il est animateur à l'accroche-cœur aussi. Oui, ça c'est une autre émission phare de la fin de semaine à CKRL, oui, ça fait longtemps aussi que ça dure, mais il y a toute une équipée de copains, Chaumel, il y avait Laurent Patenaude et puis Jean Perron, je crois. Enfin, c'est tous des collaborateurs de très longue date de CKRL aussi. Oui, des fidèles. Des fidèles. Et à cet été-là aussi, il y avait aussi Richard Pajot qui était avec nous. On était trois à remplir 2019. Alors, je vous lis son court hommage. Comment remercier Denis pour son apport immense à la musique ancienne qu'il nous a transmis avec tant de générosité. Depuis 1995, nous nous sommes côtoyés en ondes, toujours avec plaisir et complicité. Plusieurs fois, il m'a fait l'honneur de le remplacer, entre autres, pour les étés 2018 et 2019. Notre amour commun pour ces musiques anciennes réinventées par tant de musiciens de talent ne peut disparaître, car la musique, comme la radio, est un art de l'éphémère qui les rend intemporels. Ta voix chaleureuse va nous manquer, Denis. Mes condoléances à ta famille, Jean-Yves Bernard. Je vais poursuivre avec la violoncelliste Elinor Frey, qui a laissé un beau message et deux hommages musicaux. Alors, Elinor nous dit « Je suis très triste d'apprendre le décès de Denis Grenier, qui aimait tendrement la musique ancienne avec une telle passion pour les enregistrements, les concerts et une belle joie de vivre. Je l'ai vu il y a quelques mois à Québec, à l'extérieur de son appartement. Nous n'étions pas autorisés à entrer, bien sûr. » Mais il était pétillant comme d'habitude, riant et souriant et disant des choses si agréables sur les concerts et les enregistrements, donnant une énorme vague d'encouragement et d'appréciation pour ce que nous faisons. La dernière fois que j'ai dîné avec lui, c'était après un concert à Québec avec Guido Morini. J'étais épuisée et je me suis endormie sur son canapé. J'étais là, je l'ai vu dormir sur ce canapé-là. J'en témoigne. Est-ce que tu es au courant de l'histoire de la boucle d'oreille? Elle nous raconte, elle dit, j'ai laissé une boucle d'oreille sur le divan et Denis l'a trouvée, l'a empaquetée soigneusement et me l'a postée le lendemain par presque poste prioritaire. Et ce fut un running gag pendant des années, la fameuse boucle d'oreille. Ben, je me souviens vaguement qu'elle avait... Mais non, ça, je savais pas. Tant mieux, ça lui ressemble de toute façon. Oh là là. Il aimait tant parler italien avec un enthousiasme sans limite pour les concerts et la musique ancienne de toutes sortes. Quelle triste perte. Tu vas me manquer, Denis. Tu étais une personne gentille et extraordinaire. On approuve. Oui, sans discussion. Alors, le premier extrait, le premier hommage musical de Angelo Maria Fiore, c'est sur un disque de Elinor Frey. C'est le disque qui s'appelle « Le Complete Cello Sonatas and Italian Arias » paru en 2017. Et nous aurons la participation de Suzy Leblanc dans la pièce « E caro il tormento soave il dolore ». Ensuite, nous aurons une sonate pour violon et clavecin. Et nous entendrons Chiara Zanissi et Giulia Nuti. Alors, pourquoi on a cette pièce-là en hommage? C'est que c'est Chiara qui a présenté Denis à Elinor. Alors, voilà, bonne écoute. Mmh.

vous reprenez l'antenne de Continuo. Ici Claude Bernatchez en compagnie de Peggy Bélanger. Alors, on est ici pour rendre un hommage bien mérité à notre ami très cher Denis Grenier qui nous a quittés ce mardi dans la soirée. Alors, c'est pour ça qu'on a tenu absolument à prendre ce moment et ce relève. Et aussi, je veux vous dire qu'on va travailler, Peggy et moi, on s'est parlé cette semaine, et puis avec aussi Jessica, qui est la direction de la programmation, Simon à la technique, et puis aussi donc avec toute l'équipe de CKRL, de faire en sorte que cette fenêtre du dimanche matin dédiée à la musique ancienne continue. Alors, je veux vous rassurer que la qualité d'une programmation de musique ancienne le dimanche, comme ça, ces trois heures très particulières que Denis a bâties pendant plus de 25 ans. Oui. On s'est engagé à faire vivre ça. Je pense qu'on peut livrer. C'est sûr que ça ne sera jamais la même personnalité, mais. Non, ce ne sera pas Denis. Mais disons qu'en soi, c'est quand même un domaine avec lequel on est à l'aise. Et puis, Denis, il vient du monde de la science, il venait du monde de l'art, de l'histoire, ouais, de la peinture, etc. Il y avait une grande, grande admiration. C'était un mélomane. Vraiment. Mais nous, on est des musiciens. Oui. Alors, on a connu l'autre côté du miroir, et puis le milieu, etc. Donc, lui, il avait une très grande admiration pour nous. Et c'est pour ça qu'il était si généreux. Il nous aidait, parce que lui, la musique, il aimait les musiciens. Oui. Alors, c'était deux visions très différentes, mais complémentaires. Mais on avait tellement besoin de gens comme ça, parce que c'était un spectateur critique, exigeant, mais qui avait ses opinions et tout ça, mais il voyait que c'était la faune musicienne était vraiment une fascination pour lui. Il y avait une grande, grande admiration, parce qu'il venait d'un autre monde, mais la complémentarité d'un personnage comme lui, ça, c'était très rare. Alors, c'est pour ça que on le connaît, on comprend bien, mais alors, si on a un point de vue à donner, ça va être peut-être du milieu de la musique et du milieu de la musique ancienne. Alors, c'est un pari pas pire. Alors, vous verrez, mais je pense que ça va être... on va faire de notre mieux pour que ce répertoire-là soit suivi. Denis, il était très proche de l'actualité, lorsqu'il avait travaillé avec une maison de disques, etc. Donc, il était à l'affût de tout ce qui sortait. Mais aujourd'hui, je dirais qu'on peut faire un peu la même chose. Lui, il le fait à l'époque héroïque où il n'y avait rien. Donc, ça se faisait par courrier, les disques, donc les maisons de disques, toutes les discussions internes, il y avait ce canal-là. Mais là, aujourd'hui, on peut vraiment compléter en fouillant l'actualité musicale par tout ce qui est publié sur Internet. Donc, en soi, on devrait se débrouiller pour... donner au moins ce volet de suivre le milieu puis de lancer, mais aussi toutes les collections, tous les grands classiques qui sont partis dans le répertoire, etc., puis de bâtir des thématiques. Je dirais, moi, je viens du... alors, la direction artistique, c'est des choix à faire. Souvent, on doute tout plein, mais il faut comme convaincre les musiciens qui jouent avec nous qu'on sait très bien où on s'en va, alors que c'est pas vrai. Mais donc, d'être capable de mettre en scène la musique pour faire que l'auditeur puisse sentir qu'il y a quelque chose de mystérieux, de fascinant, et puis de faire en sorte. Alors ça, on sait faire. Alors, on pourra brasser plein d'idées, etc., pour que Continuo prenne une facture qui respecte et qui continue l'idée. D'accord. De Denis. Et puis, ben, on va le faire à notre façon. Et puis, oui, on espère que ça vous plaira. Ah, vous voyez le directeur artistique et musical qui me parle et qui est en train de me convaincre totalement. Ça, j'aime ça parce que je peux regarder des yeux pendant que je parle. Alors, parce que ça, micro, c'est comme juste une grille. C'est même, en tout cas, j'ai du chemin à faire de ce côté-là. Alors, on va continuer avec notre voyage de Schubert magnifique là, qui a été repris par le ténor et compositeur Daniel Bill avec deux acolytes. Donc, j'ai pas la référence sur les yeux, mais je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, c'est une reprise du voyage d'hiver de Schubert. Donc, le personnage qui fait ce voyage-là, je trouvais qu'il pouvait très bien représenter un peu toutes les les questionnements, et, enfin, tous les contrastes, tout le questionnement intérieur. Donc, disons que c'est Denis qui voyage, même si c'est en hiver. Mais de toute façon, Denis, il n'était jamais sur le bon continent, il n'était jamais sur la bonne saison, il n'était pas dans le bon pays. Donc, je trouve que ça peut très bien dire ben, pourquoi il ne serait pas en hiver pendant qu'on est en plein dans une journée extraordinaire. Là. Alors, ça sera trois pièces enchaînées. Donc, Le Courrier. Et puis, j'ai oublié. Et puis là, c'est Le Corbeau. Der große Kopf, c'est ça que je n'arrive pas à traduire en allemand. Mais le dernier, Der Kraule, c'est Le Corbeau. Alors, on se lance. Voilà. Der Straße her ein Posthorn klingt. Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz? Was hat es, dass es so hoch aufspringt, mein Herz, mein Herz? Die Post bringt keinen Brief für dich. Was drängst du denn so wunderlich? Mein Herz, mein Herz. Die Post bringt keinen Brief für dich. Mein Herz, was drängst du denn so wunderlich? Mein Herz. Der Stadt, wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz. Wo ich ein liebes Liebchen hat, mein Herz, mein Herz. Willst wohl einmal hinübersehen und fragen, es dort mag gehen, mein Herz, mein Herz. Willst wohl einmal hinübersehen, mein Herz, und fragen, wie es dort mag gehen, mein Herz, mein Herz. Weggetaut, hab wieder schwarze Haare, dass mir's vor meiner Jugend graut. Bis zur Bahre. Licht, ward mancher Kopf zum Greise. Wer glaubt's und meiner ward es nicht, auf dieser ganzen Reise, auf dieser ganzen Poursuivons avec nos hommages à M. Denis Grenier. Un message de l'Italie, écrit en italien, et je vous le lis en italien. Ce serait privilège de vous le traduire, tellement Denis aimait cette langue. Alors laissez-vous bercer par le rythme. De Massimo Marchese. Oggi è una giornata molto triste per la musica. Dal Québec è giunta la notizia della scomparsa del grande Denis Grenier, meraviglioso conduttore della trasmissione radiofonica Continuo, una persona colta, raffinata e gentile, di quelle persone che amavano la vera bellezza e sapevano entusiasmare le persone anche lontane del mondo musicale. Ho avuto la fortuna e l'onore di essere suo collaboratore in diverse puntate e mai dimenticherò il suo modo di porsi e di presentare infiniti CD. Grazie per tutto quello che ci hai regalato e che la terra ti sia lieve. Allora, merci, grazie tanto Massimo, merci beaucoup Massimo per questo messaggio molto bello. Merci beaucoup, je sais que tu es à l'écoute. Je poursuis avec un message du regroupement de membres du regroupement des pharmaciens, car Denis Grenier avait une formation de pharmacien au départ qu'il n'a pas honoré. Mais il a écrit beaucoup, il a enseigné, oui. Surtout et ses ouvrages ont vécu et vivent encore, je crois. Alors, c'est un théoricien, et puis il a décidé de sauter dans l'histoire de l'art au grand dam de son directeur. Alors, mais c'est un apport important dans sa vie. Mais ça, il a toujours regardé un peu ce côté scientifique. Il connaissait toutes les plantes par leur nom latin, oh, et puis aussi toute la pharmacopée qui est derrière. Donc, il s'occupait de sa santé, mais avec plein de diagnostics très précis, parce qu'il était du métier. Alors, il n'a jamais oublié toutes ces fioles, les éprouvettes là, qu'il y avait dans sa tête. Alors, voilà. Alors, de Christian Châteauneuf et Monique Nolin. C'est avec stupéfaction que nous apprenons le décès de notre collègue et confrère pharmacien Denis. Il était la voix radiophonique de notre table lors de nos déjeuners mensuels du regroupement des pharmaciens retraités du centre hospitalier de l'Université Laval. Denis va nous manquer, qu'il repose en paix. Merci beaucoup, Christian et Monique. Un message maintenant de Benoît Damant, musicien. Je me sens extrêmement triste. Denis Grenier est décédé hier. C'est Claude Bernacher qui nous l'a annoncé. Denis avait fait des études scientifiques avant de rencontrer le grand historien de l'art Daniel Arras en France et d'abandonner les sciences pour l'histoire de l'art. Excellent connaisseur de l'Italie où il a vécu, échangé avec lui était toujours passionnant. Mais Denis était aussi un passionné de musique. Chez lui, la discothèque la plus impressionnante que je n'ai jamais vue chez un particulier. Bien sûr, et je confirme, une discothèque incroyable. Ah, il y a plus de 15 000. C'est incroyable. Ça remplit les murs. Bien sûr, c'est aussi parce que nous lui envoyons des disques qu'il commentait et diffusait avec enthousiasme. C'est lui qui choisissait les œuvres qui ornaient les premiers disques Alpha et qui les commentait. Il avait également une émission de radio qui consacrait 3 heures hebdomadaires aux musiques anciennes. Continuons. On est ici aujourd'hui. Ben, la preuve. Je n'aurais pas la prétention de dire que j'étais un proche de Denis parce que ce n'est pas la réalité. Un jour en 2013, j'ai reçu un mail me signalant qu'il avait entendu parler de notre disque et me demandait de lui envoyer ce que je fis. Pour moi, Denis était un peu une légende. Mais quelle gentillesse. Depuis, je le voyais chez lui à Québec quand j'y passais et c'était toujours un beau moment d'amitié, je crois. Il me demandait des nouvelles des disques que nous avions dernièrement enregistrés avec son impatience enthousiaste. Il n'aurait pas eu le temps de les entendre. Denis était un esprit brillant et l'humour parfois féroce, mais toujours subtil, et un des grands hommes que j'ai rencontrés. Bon voyage, très cher Denis. Denis, je pense fort à toi. Alors, Monsieur Damant nous dit... pour introduire la pièce de Monteverdi qui va suivre. Je me souviens d'une discussion que nous avions eue au sujet du madrigal de Monteverdi, Or quel ciel et la terre, sur le magnifique texte de Prétac. Je lui avais longuement expliqué pourquoi, à mon sens, une version récente était trop débordante d'énergie à un moment que le texte n'appelait pas. Nous en étions arrivés à nous dire que la version du Concerto Italiano nous semblait la meilleure, et la voici. Vous entendrez aussi un extrait que Denis attendait d'entendre de l'ensemble Étéos, qui n'est pas encore paru, mais que vous entendrez pour lui. Alors, débutons avec le Concerto Italiano et poursuivons avec l'ensemble Étéos. Thank you. d'amour et d'amour. Vous avez dit inédit. Ouais. Hein, c'est une chose très particulière de Musique sans continuum. Puis ça, c'est la preuve, parce que ce que vous venez d'entendre, ça n'a jamais été diffusé nulle part. On n'a pas le droit de le dire, parce que la publication officielle sera pour plus tard, mais ça montre à quel point Denis marque, était à l'affût, et de voir que Continuo puisse être vraiment dans l'actualité. Et puis je pense que c'est ça qui est apprécié de la plupart des collaborateurs européens. Alors ça, c'est une chose de rattraper un peu tous ces wagons-là, et puis de les garder dans le train de Continuo. Ouais. Ça va être une mince tâche, mais... Je fouillerai dans le portable de Denis. Alors, il y a tous ces collaborateurs-là qui ont laissé leurs traces dans des nombreux courriels. Alors, j'ai de quoi m'occuper. Alors, c'est une preuve flagrante là, de ce que peut apporter Continuo dans l'actualité toute récente de la musique ancienne. Alors, à vous, cher Peggy, comme disait l'autre dans le sport. OK, d'accord. Alors, j'y vais avec un hommage de Philippe Gervais. Quelle tristesse d'apprendre le départ subi de... mauvais montage. Quelle tristesse d'apprendre le départ subi de mon ami Denis Grenier, alors même que je préparais de nouvelles chroniques pour son émission de musique ancienne. Je n'ai jamais vu quelqu'un encourager autant les autres, et spécialement les plus jeunes. Là où se trouvait Denis était... et de tous les concerts, et il se tenait aussi au courant de toutes les nouveautés afin de les diffuser avec enthousiasme, exactement ce que Claude nous disait à l'instant. Son habileté à décrire dans les moindres détails les peintures qui ornaient les disques alpha était proprement stupéfiante. Généreux, souriant, savant, il laisse un grand vide. Claude, je crois que tu as deux pièces oui. à présenter, toi, en hommage. Hein? Alors, dans les échanges, tu vois, même, je fournissais beaucoup de conversions de fichiers, etc. De même que j'avais ramassé tellement de disques que j'avais appelé mon dossier Deniscothèque. Alors, ça, c'est deux pièces qui sont tout à propos. C'est Requiem pour un ami, Requiem for a Friend, du grand compositeur contemporain de musique, qui a fait plein de musique de film, Zbigniew Pressner. Alors, on entendra deux pièces, Lux Eterna et Epitaphium. Alors, on y va. Enfin, c'est deux pièces que je dédie aux deux amis très, très proches que sont Suzanne et Stéphane. Alors, à vous. Je pense que ça devrait vous toucher tout particulièrement. Alors, on lance. Just poursuivons avec nos hommages. Un message de Raffaella Biondo. Biondi. Biondo. Oh, Biondo, excuse-moi. Sì, è scritto Raffaella Biondo. Lei è italiana. E ho capito che ha studiato all'Università Laval, donc. Oui, c'est ici, à Québec, même c'est présentement. Ah, oui, j'ai parlé bien. Il y a quelques jours. Elle m'a téléphoné le lendemain, quoi. D'accord. Mercredi, voilà. Donc, de ce que je comprends, elle connaît Denis depuis quand même 15 ans. Oui. Puis, elle travaillait à l'Université Laval en recherche postdoctorale en histoire ancienne. Puis, elle étant italienne de Rome et mélomane de musique ancienne, elle dit que la rencontre avec Denis s'est faite naturellement dans les couloirs de l'université, quasiment par hasard. Depuis, après avoir su en outre qu'on avait aussi plusieurs amis en commun parmi les musiciens, une longue et belle amitié nous a liés. Une amitié faite d'échanges et d'intérêts partagés avec une personne d'une grande sensibilité et d'une curiosité intellectuelle sans fin. Le départ de Denis nous a laissés tous sous le choc. Il est parti comme ça, trop vite et sans avertir. C'est un peu ce que je pense aussi. Mmh. Probablement avec ce sourire ironique qu'il a toujours caractérisé. C'est super, superbe comme message, Raphaël. Elle aimerait dédier « Al più italiano degli italiani », elle écrit, de Claudio Monteverdi, « Lacrime d'amante ». Et va suivre un hommage de Michel Parent, musical aussi. Michel Parent, qui est fidèle auditrice et aussi chanteuse. Quel choc ce matin, notre ami Denis Grenier est décédé hier soir. Je lui ai écrit un petit message ce dimanche pendant l'émission et comme toujours, il m'a répondu avec sa gentillesse habituelle. Il était un ami que nous avons rencontré souvent, que ce soit au concert ou en ville. On avait beaucoup de plaisir à chaque fois. Nous perdons un ami. Mes condoléances à Suzanne, sa fidèle accompagnatrice, à toute sa famille, à tous ses amis de partout dans le monde. Et Michel aimerait que l'on fasse jouer, il aimait beaucoup la viole de gambe, aimerait qu'on fasse jouer un extrait du concerto numéro 44 pour deux viols de gambe des Tombeaux des Regrets de Sainte-Colombe. Alors, donc, se suivra les deux hommages, une de Monteverdi et l'autre de Sainte-Colombe. Incenerite Mm. Poursuivons avec un dernier hommage écrit par Olivia Centurioni. Cher Denis, je n'ai pas pu te saluer, mais je t'imagine accueilli par le Parnasse que tous les musiciens, les peintres, les architectes, les sculpteurs, les écrivains, avec eux donc que tu as tant aimé. Tu vivras dans la beauté et dans la paix, plongé dans l'art qui te nourrit tout le long de ta vie. Merci Denis pour la personne que tu étais. Je ne t'oublierai jamais. Alors, un extrait musical qui est Una Stravaganza dei Medici, c'est le nom de l'album. L'harmonie des sphères et nous entendrons l'intermède Per la Pellegrina, un extrait. Alors, on devra un peu compléter ce bloc. Alors, comme je disais, on était avec notre fil conducteur, ce voyage. Alors, je vous présente un peu peut-être ce magnifique Vinterès. Donc, le chanteur, ténor, compositeur, et c'est lui qui a eu l'idée de mettre ses taches de couleur instrumentale de violon et de violoncelle par-dessus. Alors, c'est Daniel Bill qui est la voix qu'on entend. Alors, ses complices sont Olivier, c'est Oliver Schneider Trio, alors composé de Andreas Stanke, qui est au violon, Benjamin Niffenegger, violoncelle, et Oliver Schneider, au piano. Alors, dans le voyage d'hiver, la pièce qui est la plus touchante, c'est le joueur de vielle à la toute fin. À la fin. Alors, c'est là-dessus qu'on va se quitter en toute humidité. Oui. Alors. Merci, voilà. Claude, pour cette émission. J'aimerais ça qu'on fasse des émissions en duo. C'est tellement plus. Agréable. Oui, c'est. Et alors, soyez à l'écoute de Continuo, même si Denis n'est plus là. Il est là dans notre tête et dans notre cœur et oui, dans le vôtre aussi. Et voilà, que ça continue. Hinterm Dorfe steht ein Leiermann, und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise wankt er hin und her. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an. Und die Hunde knurren alten Mann. Und lässt es gehen, alles wie es will. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Dreht und seine Leier steht ihm nimmer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du mein